Le fil ou un peu fêlé, qui fait que des phases de folie. Mais si tu flippes, si jamais tu t'affoles, si tu files dans la foule, t'es l'un feu folle. Et esquive bien les gifs, car si je débarque, je risque de pas être seul. Me laisse pas l'occasion de te foutre dans une boîte, je te filerai pas d'un seul, nous ferme ta gueule, ya. Yeah. Accepte la débâcle, parle pas mal de Mr. Baggins. Ou tu finiras seul, je suis pas méchant, non. Mais je peux être dangereux sans faire exprès. Je suis pas un petit écolier de lui, je suis pas tout sec, mec, je suis pas tout sec, non. Parle pas mal de mes phases, tu les as pas lues, appelle-moi Magic Bongo. Je te défonce comme une pipe à eau, sauf qu'à la place de l'eau, j'aurais glissé un peu de nitro, glycérine, merci Azox. Yeah, pour la rime, la soirée va être folle. La soirée va être folle, on dirait. C'est le mot. Shit, hein, c'est ça, ça va être chier. Ça, ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice. Cool. Je veux juste ma mise. Yo, rap battle, dude. Y'a des PL. Do it. Yo. I don't know. How do you play your bass when it's playing? C'est le texte écrit. de batterie, ça. Ça passe. J'arrive sur de la fin, car tout de ne pas comme de là. Donc bouge de là, bouge de VK. Moi je ne risque pas, non je ne suis pas Bouteflika. Je suis qu'un type normal, il paraît, mais j'ai la saveur. Un type banal, mais je viens d'ailleurs. Je kick ça, tu le sais. Demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur, c'est pas vrai. Thank you.